recherché, mais pas de doute dans nos relations. Déjà gosse, hein, dû te comparer, dis mes potes me jalouse. Timide dès la récréation, mon père est journaliste. Il n'a jamais rêvé de ce métier, mais dans le 9-4 y'a du risque. Faut être réaliste, malgré ses corps à corps sur ses fiches de paix. Rien à voir avec poivre d'Arfor. Chaque matin il se taille, et le soir rentre et s'endort. Depuis le temps qu'on vit ensemble, l'internat change les habitudes. C'est quand je suis sorti que j'ai bien vu que t'avais refait ta vie. Toujours en mode blindé, je m'habitue à la solitude. Mange seul comme si je t'attendais, je te rassure. Aucune seconde je ne t'en ai voulu, c'est de ma faute. Si ça s'est passé comme ça, alors je m'adapte. Passe le temps avec mes potes, pourquoi quand j'aimerais être avec toi, toi chez ta meuf tu t'en vas. Pourquoi n'avons-nous pas le choix, ça se passe comme ça à chaque fois. Malgré les faits, je sais ce que tu ferais pour moi. Chaque jour avec toi est synonyme de fête. Et quoi qu'il arrive, j'en ferai autant pour toi. Depuis le temps j'ai pu faire le point. Je me suis débrouillé par moi-même. Aujourd'hui plus besoin de personne. J'espère même qu'on a besoin de moi. Mais j'oublie pas qu'enfant, à toi seul tu nous trouves un toit. Nourrir une mère de sœur, toi et moi, qui en aurait eu le cran. J'espère un jour être comme toi, toi qui n'as pas eu de famille. J'espère que celle que l'on est représente bien ta vie. Et qu'aujourd'hui tu es fier, que tu es fier de ton fils. C'est sûr, pour moi t'as tout donné. Je sais que c'est pas facile, étant donné que la vie te laisse parfois toute seule. Tu crois coupable, maman. Seulement t'as suggéré la gentillesse et la colère. Jamais une lueur de paresse pour ces fistons, c'est clair. Sans piston, tu t'en es sorti. Regarde maman, comment tes fils ont grandi, on t'aime. Chaque jour inquiet des problèmes qui bouent dans ta tête. Je regrette les jours où je t'en voulais en fait. À présent je sais que tu es la mère parfaite. C'est pour ça que je suis heureux quand je te vois. Tu mérites de vivre heureuse, crois-moi. Et tant pis si tes choix sont douloureux, tu dois te battre. Pour ceux qui croient en toi, ta famille et tes amis. Ne pleure pas maman, si la vie te cherche, je serai là pour te défendre. Pour qu'un jour je puisse entendre, merci mais ça va mieux. Ton bonheur c'est tout ce que je recherche. Parce que j'ai toujours eu conscience d'avoir une mère hors norme, qui m'a toujours aidé depuis ma naissance. Parce que son amour est énorme, je garderai toujours cette chance. Je garderai toujours cette chance. Car rien ne peut vaincre l'amour d'une mère pour son fils. À mon tour essaie de te convaincre, pour que tu puisses retenir cette phrase. Maman, je t'aime pour toujours, je t'assure c'est sincère. Si tu me quittes, je perdrai mon âme. Maman écoute comme je suis fier, seul quelque embrouille reste mon seul blâme. Parce que t'as fait aucune erreur, tu m'as vu grandir en m'apprenant les vraies valeurs. Maman, je peux t'écrire et te le dire, je t'aime. Papa, j'ai toujours été fier de toi. Je sais que tu as souffert et que les gens ne sont pas toujours ce que l'on croit. Mais ne t'inquiète pas, pour moi tu restes un modèle. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que tu m'as toujours soutenu. J'ai la larme à l'œil quand je pense à toutes ces années où tu m'as attendu. Je garde cette force au fond de moi, crois-moi. Je suis conscient que tu t'es battu pour tes gosses et que les erreurs des ancêtres sont oubliées. Tu m'as donné la vie, m'as appris à me ranger, à faire les bons choix pour bien manger. Je suis ton exemple. Peu à peu je comprends pourquoi toute ta vie tu as travaillé sans te plaindre pour avancer, tu sais. Depuis longtemps ton père est fier de toi. Il te regarde en haut, c'est certain. Ton rôle de père est accompli. Regarde loin papa, tu es tout pour moi. C'est parce que ton cœur est aussi grand que ton 1m90 que je serai toujours fier d'être ton fils. Ton mental m'a forgé, avec toi j'ai forcément le sourire aux lèvres. Personne ne croque la vie comme toi, pas même ceux qui s'offrent une vie de rêve. Écoute, ton petit est devenu grand comme toi. J'ai eu des galères, à présent droit. J'ai eu la chance d'être aimé, de continuer mes études pour te prouver que je pouvais enchaîner. Dans la vie mon parcours est tracé, grâce à toi je suis présent dans les pires et les bons moments. Papa, tu sais, j'ai besoin de toi, reste là, avec moi t'en vas pas. Ne crois pas à la vie si tu veux, mais moi je crois en toi. Je veux que tu le saches, que je serai toujours là, comme tu l'as toujours été pour ton fils. Je file droit grâce à toi et à personne d'autre. T'inquiète pas, papa, je t'aime. Maman, c'est toi que serais-je devenu. Tant de haine dans ma jeunesse, déjà les premières alias. Comment te dire que j'ai changé, te crier chaque seconde que je t'aime. Je t'ai de strass dans mes projets, c'est pour toi que chaque jour je me saigne. Pour que ma mère soit fière dans ma vie comme dans mes textes. 2006, je ne te vois plus comme avant. N'oublie pas un instant que je t'aime, maman. Enfance difficile, ça se filoche, ça se faufile. Pour les études, rassure ma mère sur ses inquiétudes. Chaque jour ma vie ne tient plus qu'à un fil. Pourtant, je suis fier d'être ton fils. Maman, excuse mes colères, excuse-moi la violence qui chaque jour me change. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que j'ai chant. Aujourd'hui, je me sens grand, je me sens avoir du talent. T'exploites pour te dire que je ne suis plus un enfant. Je regrette chaque jour ces larmes sur tes joues. Je sais que je ne te l'ai jamais dit. Maman, je te demande pardon, ton fils a trop joué au con. Je sais ce que pour moi tu voyais. Pourquoi chaque jour on s'est battu, dis-moi pourquoi tout a foiré. J'ai trop honte de t'avoir déçu. Pourquoi chaque jour on s'est éloigné quand mes potes ont pris le dessus. Encore petit quand je pleurais, tu me disais que je te remercierais. Jamais une fois je ne t'ai cru, désolé si ça a tardé. Je ne peux plus perdre une minute pour profiter de ma mère. Mon premier but, acheter la maison de ses rêves au Maroc comme avant. le bled, toi et moi, nos plus beaux moments. Veux-tu bien vivre avec moi, à profiter du sable chaud pour pouvoir te prendre mes bras. Entre nous finis les mensonges, je t'en prie, excuse-moi d'avoir creusé ces rides sur ton visage, de t'avoir fait péter des câbles. Un avenir plus sage, c'est ce que j'envisage. Chers parents, on a tous besoin de vous, mais malheureusement souvent trop tard qu'on se rend compte, j'avoue. Ce n'est que plus tard quand tu fais les comptes que tu peux voir, ils sont toujours là, et heureusement toujours hâte quand tout le monde te tourne le dos. N'oublie pas que ta mère ne fait pas que ton linge sale, c'est clair, certains ont eu plus de peau. Ils sont là, quels que soient tes défauts, prêts à sauter avec toi pour faire le grand saut, même d'en haut. Veilleront sur tes enfants, je suis si fier de mes parents. J'ai grandi à leur côté, la force d'un père sur qui je peux compter, l'amour d'une mère qui est là pour m'écouter. Yeah.